reviens sombre comme le fond de mes pensées. Je creuse dans les décombres, pas le temps de m'épancher. Les souvenirs y apparaissent, des cauchemars me caressent. On m'a reproché la paresse, mais moi je peux vous dire pareil. On m'a tellement critiqué que j'en deviens même pas amenant. La jalousie vous appliquait, rien que vous parlez dans mon dos. C'est affligeant, c'est même flippant dans mes regards un peu les gens. Pour moi mon pote que l'être humain est bien l'être le plus méchant. Bienvenue dans les décombres, là où faut tout reconstruire. Illuminé par la pénombre, je ne sais plus comment me conduire. Intérieurement j'entends des cris, je crois que c'est mon cœur qui cède. Les survivants dans les débris, pour moi y'en a pas des dizaines. Ma joie a bu trop de tisane, je la regarde dans son sommeil. Imagine-toi une fleur qui fane car elle ne voit pas le soleil. Le bonheur n'est pas loin, un jour ou l'autre je vais saisir. Il faut encore j'ouvre la main avant de goûter à son plaisir. Dans les décombres, toute ma vie est en chantier. Illuminé par la pénombre, au clair de lune je viens chanter. Dans les décombres, ma joie de vie se fait discrète. Tu connais mon côté sombre, je suis désolé, je le regrette. Dans les décombres, j'apprendrai à me connaître. Je vais effacer le passé, tu vas voir, je vais renaître. Dans les décombres, dans les décombres, dans les décombres, dans les décombres. Dans les décombres, il n'y a que moi qui peux chercher. Seuls mes proches peuvent m'aider, ce sont les seuls de mon côté. Tu veux savoir quelles sont les causes de ce sinistre? Regarde-moi, regarde mes yeux, ils sont si tristes, si fatigués. Mesdames, messieurs, n'espérez pas à me voir abandonner, car ça n'arrivera jamais. J'ai bientôt 19 balais, pourtant j'ai tant donné. La lutte que je mène est un combat contre moi-même. C'est dans l'effort que je mène, comprends pourquoi je me démène. Et aujourd'hui, les décombres sont dépliés, mais pas encore à 100%. Mais pas de soucis, je vais essayer. T'inquiète pas, je suis confiant avec l'amour, la famille et l'ami. J'ai pas le droit d'être malheureux, alors ma vie je la savoure encore heureux. Que sur mes lèvres y'a un sourire, car je suis vraiment pas à plaindre. C'est vers mes rêves que je vais courir, même si l'accident est à craindre. Retiens bien, dans nos vies y'a des soucis qui nous encombrent, mais qu'il faut sans cesse y croire et fouiller dans les décombres. Dans les décombres, toute ma vie est en chantier. Illuminée par la pénombre, au clair de lune je viens chanter. Dans les décombres, ma joie de vie se fait discrète. Tu connais mon côté sombre, je suis désolé, je le regrette. Dans les décombres, j'apprendrai à me connaître. Je vais effacer le passé, tu vas voir, je vais renaître. Dans les décombres, dans les décombres, dans les décombres, dans les décombres. Dans les décombres, c'est le courage qui prédomine. Et c'est ma mine sur ma feuille qui me dit que j'ai sa mine. Il faut que je me calme, mais je crois que c'est déjà fait. Quand j'ai les nerfs, ça me fait nerf. Je me rappelle quand je dérapais, maintenant je rappe et c'est parfait. Mais peu de gens le voient comme ça, derrière mon dos ça parle beaucoup. L'herbe au passé, l'herbe au par là, je t'assure que ça vaut beaucoup. En attendant, dans les décombres, j'ai fouillé, j'ai trouvé, j'ai su éloigner ma pénombre. Mon côté sombre s'est écroulé. Ouais. Mon côté sombre s'est écroulé. Hier mort. Dans les décombres, dans les décombres, dans les décombres.